Et Chouba la boum boum Chouba. Et Chouba la boum boum Chouba, yeah yeah yeah. Et Rimon de Colo. Et Chouba la boum boum Chouba. Ajula loye, waganga legba jula, waganga jula lo, legba ju, ajula loye, waganga jula loye, waganga legba jula, waganga ajula lo, legba ju, ajula loye. Et Chouba la boum boum Chouba. Et Chouba la boum boum Chouba. Aïe aïe aïe. Et Rimoun de Colo. Et Chouba la boum boum Chouba.